En caftan, les lanceurs d'alerte sauvent des vies. Les lanceurs d'alerte prouvent qu'on ne doit pas accepter les injustices comme inéluctables. Ils dévoilent ce qui se passe en coulisses. C'est ainsi que l'ex-collaboratrice de Pfizer, Karen Kingston, révèle au grand public combien de substances toxiques mortelles ont été mélangées au vaccin. L'ancien vice-président du fabricant de vaccins Pfizer, le docteur Michael Yeadon, va même jusqu'à qualifier cette vaccination de meurtre. La lanceuse d'alerte, Brooke Jackson, directrice régionale de l'organisation de recherche Vantavia Research Group, a contacté directement le British Medical Journal pour dénoncer des fraudes pendant les essais cliniques du vaccin BioNTech Pfizer. Déjà en 2009, la journaliste Jane Burgemeister avait révélé, grâce à une information qu'elle avait reçue, comment le géant vaccinal Baxter avait tenté de provoquer une pandémie en utilisant des vaccins contaminés. Elle aussi a pu éviter le pire, grâce à son intervention courageuse.